cours numéro 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam, ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. On est toujours في هذا الفصل الجميل, ce chapitre dans lequel l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah il a cité quelques versets pour montrer أن le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est une base et c'est un fondement de notre din. Et ça fait partie de la hijra ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il a cité ce cinquième verset. قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهِ أي obéissez à Allah. وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ sallallahu alayhi wa sallam. أي obéissez au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ أي ceux qui détiennent le commandement. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ أي si vous divergez dans une chose, تَأَمَّلْ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلْ فِي شَيْءٍ, ça englobe tout. لِأَنَّ شَيْءٍ إِلَى نَكِرَ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, ça englobe tout. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ أي dans n'importe quel domaine, sujet de notre din, dans n'importe quelle mas'ala, on doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager alayhi salatu wassalam. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah fa amara subhanahu bi ta'atihi wa ta'ati ar-rasul wa ta'ati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Wa iftataha al-aya bi nida'ihim باسم الإيمان المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا وخوطبوا به أي قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا, هذا خطاب للمؤمنين أي c'est un rappel pour chaque croyant, أي si tu crois en Allah سبحانه وتعالى au jour dernier, en ses messagers, en ses livres, etc., fais-tu es concerné, أي si tu es un mu'min, applique ces choses. قال كما يقال يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله أحسن كما أحسن الله إليك ويا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم ويا أيها الحاكم احكم بالحق ونظائره. وعلى كل حال, vu que ces choses, ces points qui ont été cités dans ce verset, أي طاعة الله وطاعة الرسول etc., ça fait partie de l'Iman, ça fait partie de la foi, فالله سبحانه وتعالى هنا Amara, il a ordonné aux croyants d'appliquer ces choses. قال ولهذا كثيرا ما يقع في الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله يا أيها الذين آمنوا. Ouais, نعم. Beaucoup de versets, Allah subhanahu wa ta'ala يقول فيها يا أيها الذين آمنوا. أي, oh vous qui croyez, c'est un خطاب pour les croyants. قال قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم ونظائره. Beaucoup de versets. قال ففي ذلك إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا فإنه من موجبات الإيمان وتمامه. أي المؤمن الذي يقرأ القرآن بتدبر وتأمل وصدق وإخلاص, celui qui lit le Coran sincèrement et son but c'est d'appliquer, et bien sûr il comprend ce qu'il lit, quand il lira un verset qui commence par قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا, il se sentira visé et il fera attention, لأن le كلام qui vient après c'est un كلام عظيم. روي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى أو ينهى عنه. Ils ont rapporté à l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah, fi Shu'ab al-Iman. كذلك الإمام ابن كثير رحمه الله إلا cité رواية ابن أبي حاتم dans son tafsir. Ils ont rapporté à Ibn Mas'ud رضي الله عنه, il disait, إذا سمعت, si tu entends Allah سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا, وهذا c'est très très important. لماذا؟ لأن القرآن c'est كلام الله. فquand tu entends ce verset ou un verset qui commence par يا أيها الذين آمنوا, c'est Allah سبحانه وتعالى يخاطبك. Tu es un croyant dont tu es visé, c'est la parole d'Allah سبحانه وتعالى. فلهذا روي أنه رضي الله عنه قال فأرعها سمعك, أي écoute bien, donne du temps, médite sur le sens du verset. لماذا؟ لأنك tu es concerné. قال فإنه خير يأمر به, إما c'est un bien que tu dois faire. قال أو شر ينهى عنه, إما un mal que tu dois t'en écarter. هذا الأثر فيه ضعف. Dans le sanad il y a Nu'aym ibn Hammad rahmatullah alayh et فيه ضعف. كذلك dans la chaîne de transmission il y a une coupure, une قطع. لكن المعنى il est صحيح. كما قال الإمام ابن باز رحمه عليه dans ses تعليقات, ses annotations sur تفسير ابن كثير رحمه الله عليه, il a cité une note عند كلام ابن كثير et il a montré لنا ولا aussi le أثر il est faible, فيه ضعف, لكن لا شك أن le sens il est authentique. Donc on doit donner du temps au Coran et on doit donner du temps à la compréhension et on doit méditer, كذلك ça doit nous pousser à mettre en application. فالله أعلم. ثم قال رحمه الله ثم قال عز وجل أطيع الله وأطيع الرسول ففرق بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الفعل ولم يسلط الفعل الأول عليها. Vous avez remarqué que Allah سبحانه وتعالى قال أطيع الله, أي obéissez à Allah, وأطيع الرسول, أي le verbe il a été répété une deuxième fois, l'ordre وأطيع الرسول, obéissez à Allah et obéissez à son messager. Allah subhanahu wa ta'ala ma qal obéissez à Allah et à son messager. Là, le fi'l, l'ordre, il a été répété. Qala wa qala wa ati'u Allah ou wa qala wa ati'u al-rasoul wa uli l'amri minkum faqarana bayna ta'ati al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam wa ta'ati wa li l'amr. Amma la seconde partie du verset, qawluhu وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Vous avez remarqué que الفعل الأمر بالطاعة أطيعوا أي obéissez, il n'a pas été répété pour ceux qui détiennent le commandement. وأطيعوا الرسول, obéissez au messager et à ceux qui détiennent le commandement. Allah سبحانه وتعالى ما قال obéissez au messager et obéissez à ceux qui détiennent le commandement. Et هنا il y a une فائدة عظيمة que الإمام القيم رحمه الله il a cité. فقال وصلت عليهما عاملا واحدا, أي آن فعل أطيعوا. وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس ذلك, فإنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله, ولكن الواقع في الآية هو المناسب. نعم. Pourquoi الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. L'ordre il a été répété pour le messager, il n'a pas été répété pour ceux qui détiennent le commandement. لماذا؟ قال وتحته سر لطيف وهو دلالته على أن ما يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن. Ça, ça nous montre أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام elle est obligatoire même si on n'a pas un texte du Coran, contrairement à l'obéissance à ceux qui détiennent le commandement, les savants et les gouverneurs. On leur obéit fil ma'rouf. On leur obéit si eux-mêmes, ils nous appellent à une obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son messager. Ou illa, si ce n'est pas une obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, alayhi salatu wa salam, on n'a pas à leur obéir. Donc ça nous montre, anna ta'atullah azza wa jalla, elle est obligée pour chaque croyant. Ya ayyuha alladhina amanu ati'ullah. Chaque croyant, il doit obéir à Allah. Kadhalik, chaque croyant, il doit obéir au messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalik, chaque croyant doit obéir à ceux qui détiennent le commandement si eux-mêmes ils nous appellent à une obéissance. Qala rahimahullah. وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن فتجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مفردة ومقرونة. نعم مفردة ومقرونة. Bien sûr, si cet ordre il est dans le Coran et il est dans le Sunna, enfin on l'obéit au prophète Mohammed alayhi salam, et si cet ordre il est que dans la Sunna, il n'est pas cité dans le Coran, on est obligé d'obéir au messager d'Allah alayhi salatu wasalam. Limadha li anna Allah azza wa jalla qala wa ati'u ar-rasul. Ça nous montre que l'obéissance du messager alayhi salatu wasalam c'est dans tous les cas. Tant que le khabar il est sahih, tant que le hadith il est thabit, on doit lui obéir alayhi salatu wasalam. Qala fala yatawahhamu mutawahhim an ma ya'muru bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasalam lam yakun fi al-Qur'an إلا فلا تجب طاعته فيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا سنتنبيه مهم. Ne pas croire أن si l'ordre du prophète عليه الصلاة والسلام il est pas cité dans le Coran, أن on doit pas lui obéir عليه الصلاة والسلام. هذا c'est très très grave. Et on vit à une époque أن كثيرا من الجهال ils ont cette شبهة. نسأل الله العافية. بعضهم يقولون مثلا quand tu lui dis une chose, tu te dis mais il n'est pas cité dans le Coran, cet ordre. Ou cette interdiction, on n'a pas d'interdiction dans le Coran. كَأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْأَصْلَ الْقُرْآنِ فَقَطْ. Et ça, c'est très très grave. Mais il y a une secte qui est apparue dernièrement, ou il y a quelques années, Al-Qur'aniyun, et ils ont fondé leur din, et leur din, c'est de la mécréance, sur هذا. أَنَّهُمْ ils ont rejeté complètement la sunnah. Et ils se basent d'après eux sur le Coran. Wa khalafu al-Quran. Lian Allah Azza wa Jalla qala ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Ça nous montre que celui qui n'obéit pas au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala Ibn al-Qayyim rahimahullah kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yushiku rajulun shab'an muttaki'un ala arikatihi. Arikatihi aya de nos jours c'est les canapés, etc., les divans, une chose sur laquelle tu t'assois. يَأْتِهِ الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ. Et cet homme, ou cette femme, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a démontré qu'il viendra un jour, يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانٌ. Ça nous montre que هؤلاء, ils sont occupés beaucoup par leur ventre. شَبْعَانٌ. Et أنهم, ils mangent كثيراً. Et ta'amman le deuxième wasf, muttaki'un ala arikati. Ça montre que ceux-là, ils ne font pas beaucoup d'efforts dans l'ibadah et dans l'ilm. Bel, ils sont occupés par leur ventre. Et ceux-là, ماذا يقولون? Ce genre de personnes, يَأْتِهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِ فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ. Quand il entend une sunna du prophète, alayhi salatu salam, qu'est-ce qu'il dit à هذا الرجل, ou cette femme, anna entre nous, il y a le Coran. Si c'est dans le Coran, on accepte. Si c'est pas dans le Coran, on n'accepte pas. قال ما وجدنا فيه من شيء تبعناه ألا وإني أتيت الكتاب ومثله معه. نعم هذا الحديث il est صحيح كما في الحاشية الإمام الألباني رحمه الله وغيره ils l'ont authentifié. Donc هؤلاء ils rejettent أحكام النبي صلى الله عليه وسلم avec cette شبهة. Et صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن un groupe égaré القرآنيون ils se sont basés sur هذا, ils ont délaissé complètement la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Et tu trouves بعض الناس خاصة الذين يتبعون أهواءهم, ceux qui suivent leur passion pour rejeter كما تقدم يعرضون الإعراض. بعضهم يرجت complètement, بعضهم pour pouvoir faire certaines choses haram ou délaisser certaines obligations, qu'est-ce qu'ils disent? Mais on n'a pas de texte dans le Coran. Et قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, c'est pas mis dans le Coran. وقوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Tout ce que le prophète vous donne, prenez-le. Ça c'est pas mis dans le Coran. قوله وإن تطيعوه تهتدوا. وَإِنْ تُطِعُهُ تَهْتَدُوا. Si vous lui obéissez, vous serez guidé. L'obéissance de qui? Du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. قَوْلُهُ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. أي اتبعوا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. Donc ça nous montre que هذا, ce genre de position, le fait de rejeter sunnah, إما c'est min mujrimin kafir munafiq qui rejette complètement la sunna du prophète alayhi salatu salam. Emma, c'est wahed qui suit ses passions et qui est attiré par le kassel, la fainéantise, et qui suit ses passions. Son ventre est autre, iyadam billah. Wa illa al-mu'min haqqan. Il aime le suivi du prophète alayhi salatu salam, même s'il a des faiblesses. Lakin abadan, il rejette. Anahu, il dit là, hada, ça fait partie de la sunna, on n'accepte pas, on n'accepte que le Coran. Hada, c'est pas mina. من صفات المؤمنين ثم قال رحمه الله أما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة مفردة مستقلة. Et ça, c'est la différence entre ceux qui détiennent le commandement, فيأتي إن شاء الله تعالى, que c'est les gouverneurs et les savants. C'est la différence entre les gouverneurs et les savants et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed alayhi salam, on doit le suivre dans tout. Il est appuyé par la révélation et Allah azzawajal, il nous a ordonné de le suivre dans tout ce qu'il fait. Fi dinillahi azzawajal, concernant la religion. C'est une obligation. Bien sûr, quand on dit obligation, min haytha al-umum, de le suivre. Il y a des choses c'est obligatoire, il y a des choses c'est recommandé, etc. Amma, autre que le prophète Mohammed alayhi salam, leur suivi, c'est par rapport au texte. Et s'ils nous appellent à une obéissance, on les suit. S'ils nous appellent à autre, à une désobéissance, c'est pour ça que Allah Azzawajal قال, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre créateur, on doit l'adorer, lui obéir tout le temps. وأطيعوا الرسول, le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, c'est un messager, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé pour être suivi. Et pour qu'on lui obéisse. هذا انتهينا. Vous avez remarqué que قال وأولي الأمر. Allah Azza wa Jalla m'a dit, وَأَطِيعُوا. لِمَاذَا لِأَنَّ leur obéissance, elle est par rapport aux deux obéissances précédentes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas répété l'ordre une troisième fois. لِمَاذَا لِأَنَّ l'ordre de Ha'oula, il est par rapport aux deux obéissances précédentes. L'obéissance d'Allah Azza wa Jalla et l'obéissance de son messager sallallahu alayhi wa sallam. فَهَذِهِ فَإِدَةٌ جَلِيلَةٌ que l'imam Ibn Qayyim rahimahullah il a cité هنا et que beaucoup de savants, wallahi alhamd, ils ont cité. قال كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الحديث إلى في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الحاشية كم سيسيتي دون نوت دو بات باش. الشاهد ما لم يؤمر بمعصية الله أي أون دوا لغوبير aux savants et aux gouverneurs, tant que leur obéissance ne contredit pas un texte du Coran et de la Sunna. Ou illa si ça contredit, fa al-wajib 'ala al-jami', l'obligation pour tout le monde, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. قال فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى فردوه إلى الله والرسول ولم يقل وإلى الرسول فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول والرد إلى السنة رد إلى الله والرسول فما يحكم به الله هو بعينه حكم رسوله صلى الله عليه وسلم وما يحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو بعينه حكم الله فلهذا قال عز وجل فردوه إلى الله والرسول. أي quand on diverge on doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. لماذا لأن حكم الله. Le jugement d'Allah, c'est le jugement du messager. Et le jugement du messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le jugement d'Allah. لِمَاذَا لِأَنَّ النَّبِي sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation du Coran, et كذلك, il a reçu الْحِكْمَةَ sa sunnah. Donc, à la kulli hal, obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est obéir à Allah subhanahu. قَالَ فَإِذَا رَدَدْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَا تَنَزَعْتُمْ فِيهِ يَعْنِي إِلَى كِتَابِهِ فقد رددتموه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقد رددتموه إلى الله والرسول وهذا من أسرار القرآن وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في أولي الأمر فعنه فيهم رواية. نعم les savants ils ont divergé sur le sens de Wulat al-Umur dans ce verset. Et قوله وأولي الأمر. Et c'est qui أولي الأمر dans le verset. Al-Imam Ahmed, rahimahullah, ils ont rapporté de lui plusieurs riwayat, plusieurs avis. إحداهما انهم العلماء، انا في انهم سي لي سافون، والثانيه انهم الامراء. لا دوزيام روايه، لا دوزيام ناراسيون سولون الامام احمد كي زو رابورتي بلوتو دو الامام احمد، انهم سي لي غوفرنور. العلماء اختلفوا، دونك لي سافون بعضهم ايزون دي سي لي سافون، دوطخ ايزون دي لي غوفرنور، اي دوطخ سافون ايزون دي سي لي دو. وهذا الذي رجحه الامام ابن القيم رحمه الله سي لا في لو بلو جوست، اي قوله واولي الامر سانغلوب لي غوفرنور اي لي سافون. فلهذا قال رحمه الله والقولان ثابتان عن الصحابه في تفسير الايه. Et les Sahaba radi Allah anhum, ils ont expliqué ce verset par al-ulama et al-hukam, les savants et les gouverneurs. قالوا الصحيح انها متناولة للصنفين جميعا، فان العلماء والامراء هم ولاة الامر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء ولاته حفظا وبيانا وبلاغا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه وقد وكلهم الله بذلك. نعم، دونك لو فيرسي لانغلوب لي دو كاتيجوري لي سافون اي لي غوفرنور. اما لي سافون فكما قال الامام ابن القيم رحمه الله ولاته حفظا، اي سي سو كو الله سبحانه وتعالى الى غيدي pour préserver هذا الدين. Ils sont une cause عظيمة pour préserver هذا الدين. Et le préserver de quoi ? Des changements, des falsifications, des innovations, des ajouts, des diminutions. وَبَيَانًا كَذَلِكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Il leur a imposé, il leur a ordonné de propager, de montrer هذا الدين. وَذَبَّنْ عَنْهُ Et كذلك de défendre هذا الدين. En mettant en garde tous ceux qui essayent de falsifier, de déformer. أو سكي أكوز كي أنسلت. فالعلماء يبينون حال هؤلاء. قال وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه. Ça nous montre أن لا ميز أن غارد ça fait partie de notre دين. C'est pour ça que العلماء قديما وحديثا ils mettent en garde contre les égarés لله عز وجل. Contrairement à ce que certains ignorants ou égarés ils essayent de faire croire أن علماء السنة خاصة علماء الجرح والتعديل أنهم ils sont injustes, anahum ils font de la médisance, anahum ils sont préoccupés que par les autres. Hada c'est un kalam batil. Bal ulama as-sunna ils ont donné de l'importance à hada al-ilm al-azim al-jarh wa at-ta'dil, le fait de critiquer, le fait de faire des éloges, limada pour protéger, préserver hada ad-din bi idnillah azza wa jalla. Qad wa qala wa qad wakkalahum Allah bidhalik fa qala ta'ala فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم. Et ça c'est une تزكية عظيمة pour العلماء. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما أي من أهل العلم، أي الله سبحانه وتعالى إلى chargé des savants pour propager son دين pour le montrer. Et هؤلاء لا شك أنهم ils ont cru. فلهذا قال ابن القيم فيا لها من وكالة. الوكالة c'est le fait de donner نسيت comment ils traduisent التوكيل، le fait de charger quelqu'un de faire une chose pour toi. C'est ça التوكيل. C'est ça الوكالة. فهؤلاء c'est Allah سبحانه وتعالى وكلهم. Il leur a donné cette responsabilité et ils font cela pour Allah سبحانه. فلهذا قال أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم. Ça nous montre l'importance de revenir à أهل العلم. L'importance de leur demander conseil. L'importance de leur obéir في طاعة الله عز وجل. L'importance كذلك de ne pas les devancer. On laisse à هؤلاء que Allah سبحانه وتعالى il a guidé et il a élevé avec leur علم et avec la foi. Et on revient à des ignorants. On revient à des égarés. On essaye de faire les choses nous-mêmes. أمتو محمد صلى الله عليه وسلم سي أمة العلم والحكمة. On fait pas ce qu'on veut. On mélange tout. Tout le monde parle. On vit à une époque الآن vu que ces fondements bénéfiques que l'imam ibn al-Qayyim رحمه الله il a cité هذه الرسالة. Vu qu'on vit à une époque beaucoup de gens ils sont très très loin de هذا العلم. Tout le monde parle. Hommes, femmes, enfants, petits, grands, ignorants, égarés. Tout le monde a un avis. عياذا بالله. Alors que si on appliquerait هذا قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. On obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, à son messager sallallahu alayhi wa sallam. On revient à Oulat al-Umur, les savants et les gouverneurs, et on le revient fi ta'atillah. Alhamdulillah, on serait à la khir azim. Tous les manquements qu'on vit, c'est à cause de cette négligence dans ce point. قال ابن القيم رحمه الله والأمراء ولاته قياما ورعاية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه. Les gouverneurs, c'est ceux qui mettent en application. Les savants, c'est ceux qui montrent. Et les gouverneurs, c'est ceux qui mettent en application. قياما ورعاية وجهادا وإلزاما. C'est eux qui imposent. C'est eux qui appliquent les sentences. C'est eux qui punissent, qui corrigent ceux qui ont des manquements ou qui se détournent. Ça nous montre ces deux catégories, elles vont ensemble. Al-ulama ou al-umara. قال وهذان الصنفان هم الناس وسائر النوع الإنسان تبع لهم ورعية. تأمل قوله وهذان الصنفان هم الناس. Ces deux catégories, c'est eux, الناس. C'est eux la référence, c'est eux la base. Et les autres y suivent. فَلِهَذَا Vous avez remarqué que أَهْلُ الْبِدَعْ وَالشَّرْ وَالضَّلَالْ وَهَكَدَ أَهْلُ الْكُفْرِ Les égarés, أَنَّهُمْ كَثِيرًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَيْنَ الصِّنْفَيْنَ Les gouverneurs et les savants. لِمَاذَا لِأَنَّ si الْأُمَّة elle n'a plus confiance, la communauté, si elle n'a plus confiance en ses savants et en ses gouverneurs, et la communauté, elle se préoccupe, ben ça devient une habitude, iyadan billah, de critiquer les gouverneurs et de critiquer les savants, la umma, elle ira très très mal. C'est pour ça que, hatta al-jahil, on vit à une époque, l'ignorant, qui ne connaît pas grand chose de son din, sa préoccupation, c'est critiquer les savants et les gouverneurs. Ça vient d'où, hada? Ça vient de ahlul kufr, wa al-dalal min al-mubtadi'a. Tellement qu'ils ont propagé hada dans les médias, à la télévision, à la radio. Tu trouves un ami, il est dans la rue avec un autre ami, un ignorant avec un ignorant. Tu les trouves, souvent leur conversation, c'est critiquer les gouverneurs et critiquer les savants. قال وسائر النوع الإنسان تبع لهم ورعية فالرجوع إلى أهل العلم والسنة بإذن الله عز وجل سيكون la cause لإصلاح دينك. Si tu reviens aux savants, ça sera la cause que tu protégeras, tu préserveras ta religion. Si tu ne sais pas, tu demandes. Si tu t'es trompé, tu te corriges. وطاعة ولاة الأمور, l'obéissance au gouverneur musulman في طاعة الله, ça sera la cause لإصلاح دنياك. Tu vas préserver ta dunya, بإذن الله عز وجل. Donc ça nous montre ces deux catégories, c'est la cause. Si tu le réveilles et tu ne te rebelles pas et tu n'accuses pas et tu les insultes pas, etc. بإذن الله عز وجل, ça sera la cause pour que tu sois heureux في الدنيا وفي الآخرة. C'est pour ça que les savants, ils donnent beaucoup d'importance à ces deux catégories, les gouverneurs et les savants. On peut résumer, si tu entends, ou tu vois, ou tu connais quelqu'un qui critique les savants de la sunna, ou qui critique les gouverneurs, ou qui critique les deux catégories, i'lam, n'ait aucun doute, annahu imma c'est un égaré, imma c'est un ignorant. Si c'est un ignorant, tu lui montres. Tu lui montres, mathalan, mitla hadha al-kalam al-jamil de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ou d'autres livres qui ont été écrits sur ce sujet. Tu le conseilles. Et si l'aime l'haq tasbir ma'ah, et tu lui montres. Si c'est un égaré, fahdhar, écarte-toi de lui. لماذا لأنه en fréquentant هؤلاء comme من الناس. Au départ, ils aimaient les savants de la sunna. Et ils ne critiquaient pas les gouverneurs musulmans, des pays musulmans. ثم, un certain temps, et ils ont critiqué des savants, ou certains savants. Et ils critiquent les gouverneurs. لماذا لأن هذا سمرض. Cette maladie, عياذ بالله, elle est très très propagée. Fais préserve ton din, akhil karim. Préserve ton din et reste à ta place. Chacun de nous doit rester à notre place. Obéis à Allah, subhanahu wa ta'ala. Obéis à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Obéis aux savants, aux gouverneurs, fi ta'atillah. Si ils se trompent, ou ils appellent à une ma'siyah, tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas. Et tu n'appliques pas cette mukhalafa. Et ça implique pas une rébellion, des insultes, des accusations. Alors ça fait que du mal et ça déstabilise l'Ummah. C'est pour ça qu'on vit à une époque où la Ummah est divisée. On a un problème dans ces deux catégories. Imma critique des savants, imma critique des gouverneurs. On vit à une époque où Bardana se critique les deux. قال ابن القيم رحمه الله ثم قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Le verset il est clair. أن si on diverge dans un point quelconque de notre deen, que ce soit dans l'aqida, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans telle chose, c'est une bid'a amla, ou c'est une sunna amla, etc. On doit revenir au Coran et à la sunna. C'est là le seul moyen pour trancher et pour qu'on revienne à la vérité. قال لا إلى أحد غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما revenir à autre que les textes du Coran et de la sunna, c'est pas la solution. Il y en a un, tu peux trouver quelqu'un qui va être d'accord avec toi, et moi, je peux trouver quelqu'un qui est d'accord avec moi. Ça ne veut pas dire qu'on a la vérité. Là, on doit s'habituer à revenir au texte. Bien sûr, en revenant au savant. Et quand on revient au savant, on doit donner de l'importance et du temps à la preuve. Pas une simple parole, ou pour se rassurer. Il y en a, on vit à une époque, ils font des choses haram, ou ils ont des mukhalafat et leur but, c'est pas de se corriger, se réformer en suivant les textes. Là, leur but, c'est de se rassurer. L'essentiel, j'ai trouvé une fatwa ou l'avis d'un shir et ils essayent de tordre les avis, les preuves, hatta ça coïncide, c'est adapté à leur position. Ça, c'est min al-hawa. Falihada qala azza wa jal, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Si on croit vraiment en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, on doit appliquer hada. Quand il y a une divergence, notre but c'est de revenir à la vérité. Et la vérité c'est le Coran ou le Sunna, la ghayr. Il n'y a pas autre que le Coran et le Sunna. Tout ce qui contredit le Coran et le Sunna, ce n'est pas la vérité dans notre dîn. قال فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله ومن دعا عند النزاع إلى تحكيم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد دعا بدعوى الجاهلية. Celui qui appelle à revenir à autre que Al-Qur'an wa sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa la shak anna hadha, il contredit l'ordre d'Allah. La shak anna hadha, c'est min da'wa al-jahiliya. Kama qala azza wa jal, afa hukma al-jahiliyati yabghoun, wa man ahsanu min Allah hukman li qawmin yuqinoun. Celui qui a l'yaqin, comme dans ce verset, et celui qui a l'iman, comme dans l'autre verset, إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلى أكمل أرونير القرآن إلى السنة. قال فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا مما ذكرناه آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه، فدل على أن من حكم أو من حكم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وتقدم معنا هذا أنه si rejette complètement القرآن والسنة هذا لا شك أنه سبا مؤمن أيضا بالله، لأن المؤمن même s'il a des faiblesses il rejette pas le Coran والسنة. لكن s'il a des faiblesses il accepte الحكم لكن la mise en application et il a des faiblesses, فهذا تقدم معنا كثيرا انه c'est une cause pour que la foi elle descende ou elle diminue. قال وحسبك بهذه الآية القاسمة العاصمة بيانا وشفاء فإنها قاسمة لظهور المخالفين لها. Ce verset, comme قال ابن القيم رحمه الله, il brise le dos de ceux qui délaissent le Coran ou le Sunna, ils ne veulent pas revenir au Coran et à la Sunna. لماذا؟ لأن le verset il est clair. فإن تنازعتم في شيء، Si vous divergez dans quoi que ce soit, farudduhu ila Allahi wa Rasul. Revenez à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. قال عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين لما أمرت به. Et كذلك c'est une bouchra. Elle a celui, quand il diverge avec son frère musulman, il aime revenir au Coran et à la Sunna. Et il recherche le Coran et à la Sunna. Et il aime quand on lui montre un verset du Coran ou un hadith de la Sunna. هذا c'est une alama annahu ila al-iman. قال عاصمة للمستمسكين بها الممتثلين لما أمرت به ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد وفاته. ثم إلى فسد précision importante. An-narrad, le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est revenir au Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de revenir au messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est revenir, bien sûr, auprès de lui quand il était vivant. Et après sa mort, c'est de revenir à sa sunna. Le sunna, c'est ses paroles, ses actes, etc. Qala. ثم قال تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا أي هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسوله وطاعة رسولي وأولي الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلى إلي وإلى رسولي خير لكم في معاشكم ومعادكم وهو سعادتكم في الدارين فهو خير لكم وأحسن عاقبة. Celui qui veut être heureux ici-bas et dans l'au-delà, et celui qui veut al-khayr, le bien pour lui, ici-bas et dans l'au-delà, il doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et kadalik obéir au gouverneur et obéir au savant. Fi ta'atillah. Et surtout ne pas se rebeller. Et surtout ne pas appeler à la désobéissance, et au mal et à la révolte. Tout ça, c'est une cause, iyadan billah, pour se faire du mal fi dunya, qabla al-akhira, avant l'au-delà. Qala fadalla hadha ala anna ta'at Allah ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. Et هذا on l'a répété souvent, la principale cause du bonheur ici-bas et dans l'au-delà, c'est الطاعة, l'obéissance d'Allah عز وجل et du prophète صلى الله عليه وسلم. قال ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته. Si tu viens à réfléchir et à méditer, si je veux savoir la cause de tous les maux qui sont répandus, toutes les fitnes, tous les troubles, toutes les mauvaises choses, la cause c'est le délaissement du suivi du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. قال وكل خير في العالم اي في العالم اي dans ce bas monde, tout le bien, فانما هو سبب طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. Et tout le bien, la cause c'est le suivi du prophète Mohammed عليه الصلاه والسلام. وكذلك شرور الاخره والامها وعذابها انما هو موجبات مخالفه الرسول ومقتضياتها فعاد شر الدنيا والاخره إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليه. هذا سنرزومي جميل. كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى إلى سيتي لدو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي كبخنقار سكي كي دلس لفواجو بخفت صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يبفت تختوشي باركوا أن تصيبهم فتنة. Une fitna qui leur fait du mal dans ce bas monde. Dans leur dunya, dans leur, tout ce qui concerne leur dunya, ou leur din, ou leur religion. أو يصيبهم عذاب أليم. أو qu'ils soient touchés par un châtiment douloureux, أي dans l'au-delà. Et كذلك في الدنيا. Ça nous montre أن délaisser la voix du prophète صلى الله عليه وسلم مخالفة أمره, c'est une cause de عذاب et de fitna. الإمام أحمد رحمه الله قال الفتنة الشرك. La fitna on a dans ce verset c'est الشرك. أي ربما الإنسان يدلس la voix du prophète صلى الله عليه وسلم فيزيغ يسيقع عيدا بالله ضلالا بعيدا. كم من الناس ils ont commencé avec des bid'a qui Pour certains, c'est bid'a, c'est pas grand-chose. Thumma nharafu nharafu. Falamma zaghu ils ont perdu leur foi, leur cœur, et c'est devenu des malahides. Ba'dhum wallahi, c'est devenu des athées alors que c'était des croyants. Pourquoi? Le délaissement de la voix du prophète, alayhi salatu salam, on fait attention, c'est une ni'ma. Adhu alayha bin nawajid. Hakada qala an-nabi alayhi salatu salam. Tellement que cette ni'ma est importante et tellement que certaines personnes, ils feront tout pour t'enlever ce bienfait, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il t'a conseillé de t'accrocher avec tes molaires. Aïe, très fort. Quand on s'accroche à une chose très fort, c'est pour deux choses. Pourquoi tu t'accroches à une chose très fort? Parce que tu tiens à cette chose. Et Kadhalik, pourquoi tu t'accroches très fort? Parce que tu crains que quelqu'un t'enlève cette chose. Ah, Kadhalik, on dit. Accroche-toi très fort, pourquoi? Parce que c'est la plus grande ni'ma. Et accroche-toi très fort, certains, ils feront tout pour t'enlever Hadad-Din. Al-Kufar, ils feront tout pour que tu les suives. Et ils seront satisfaits de toi. Ils font tout pour que tu délaisses Sunnah et tu suis tel groupe et leur guide, etc. قال رحمه الله فلو أن الناس أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. Si tout le monde suivrait le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, si on قدر une hypothèse, on a tous les êtres humains, ils suivraient la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, il n'y aurait aucun mal sur terre. لماذا لأن le mal, c'est à cause de ce qu'on fait nous, les êtres humains. Chaque musiba, chaque mal, c'est la cause, c'est ce que un être humain il a fait. Il m'a un péché, il m'a une bid'a, il m'a de la mécréance, il m'a du shirk. Et tout ce qui contredit la voix du prophète, alayhi salatu salam. Enfin, tu comprends, minna, si tout le monde suivrait as-sunnah, il n'y aurait pas de musiba, il n'y aurait pas de mal. Lakin, sunnatullahi subhanahu wa ta'ala fi khalqih. Certains obéissent et d'autres ils désobéissent. Lakin Ibn Qayyim rahimahullah, il a montré hada pour te montrer les bienfaits du suivi du prophète alayhi salatu salam et al-hijratu ilayh, à y suivre sa voie. قال وهذا كما انه معلوم في الشرور العامه والمصائب الواقعه في الارض فكذلك هو في الشر والالم والغم الذي يصيب العبد في نفسه فانما هو بسبب مخالفه الرسول صلى الله عليه وسلم والا فطاعته هي الحصن الذي من دخله فهو من الامنين والكهف الذي من لجا اليه فهو من الناجين. هذا كلام جميل. On a celui qui veut être protégé. Al-Hisno, c'est comme une forteresse, quelque chose qui te protège. C'est pour ça que Sahib Hisn al-Muslim, il a appelé son livre Hisn al-Muslim. Hisn al-Muslim, ce livre qui est connu. Hisn al-Muslim, est-ce qui va protéger le muslim? Aïe, min al-Athkar. Enfin, globalement, ce qui préserve le muslim et le mu'min, c'est le suivi du prophète Mohammed alayhi salatu salam. Ta'ammal hadha al-kalam. Wa illa fa ta'atuhu hiya al-hisn alladhi man dakhalahu fa huwa min al-aminin. Tu veux être préservé? Rentre dans cette forteresse. Ay as-sunna. Tu seras protégé et tu seras avec ceux qui vivront en paix. Qal wal-kahf. Al-kahf c'est une caverne. Alladhi man laja'a ilayhi fa huwa min al-najin. Tu veux être préservé des jaloux, des ennemis, des ignorants, des mécréants, et de tous les maux, et de toutes les personnes mauvaises, réfugie-toi fi sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul moyen. Amma l'argent, ta force, ton intelligence, etc., tu ne peux rien faire face aux ambiguïtés, à la mécréance, à l'innovation. Va préserve-toi avec hada al-ilm. Aïe, le suivi du prophète, alayhi salatu salam. On peut ajouter, huna qawlullah azza wa jal, alladhina amanu, wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ulaika lahumul amnu, wa hum muhtadun. Vous avez remarqué que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité l'amn. Tu veux vivre en paix, tu veux être préservé. Et huna, la cause de l'amn, c'est l'iman, alladhina amanu, wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Taqaddam ma'ana fi kitab tawhid, anna dhulm huna, c'est le shirk. تستفيد من هذه الآية أن si tu veux vivre en paix, حقق التوحيد. Si tu rassembles ce verset Et Kalam ibn al-Qayyim rahimahullah, qui est fondé sur d'autres preuves, ce qui va te préserver, fait dunya wa fil akhirah, c'est deux choses. La première chose, c'est at-tawhid. Unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. قال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. La deuxième chose, c'est le suivi du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ces deux choses, c'est ce que l'imam d'un Qayyim rahimahullah, il a cité au début de ce livre. Al-hijratu ila Allah, ay, adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et délaisser le shirk. Lian al-hijra taqaddam ma'ana, c'est le fait de délaisser une chose et se diriger vers autre chose. Enfin, on délaisse le shirk. On délaisse l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on adore Allah. Ça, c'est la hijra ila Allah. Et la deuxième, et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-hijratu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on revient au début du livre. Et كذلك, comme taqaddam ma'ana, elle n'a ces deux points qui sont la cause d'être préservé fi dunya wal akhirah, c'est muqtada ash-shahadatayn. Et si tu as compris les deux shahadas, ça va impliquer, ça va te pousser à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et à suivre son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ala kulli hal, tu veux être préservé fi dunya des mauvaises choses, du mauvais œil, du mal, de l'injustice, de la mécréance, de l'égarement. Adore Allah subhanahu wa ta'ala seul et suivi, et suit son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Kadhalik, yawm al-qiyamah, le jour du jugement, tu veux être préservé, protégé de l'angoisse, de la tristesse, du châtiment, etc., de la peur. Adore Allah subhanahu wa ta'ala seul et suit son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Tu seras heureux ici-bas et dans l'au-delà. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad. Thumma qala fa'ulima أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. Vous avez remarqué que les ulama, ils font souvent le lien avec l'ilm. Pourquoi? Il y en a quand on dit et on répète qu'il faut suivre le Nabi alayhi salatu wasalam, t'es obligé d'avoir du ilm pour le suivre. Il y en a pour suivre une chose, tu dois avoir de la science. كما تقدم معنا, si tu veux voyager, t'es obligé de connaître le parcours. Ouais, si tu connais pas le parcours, tu vas voyager, tu vas te perdre. Tu vas perdre ton temps et tu pourras faire du mal ou on te fait du mal. هكذا السنة قال وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا باجتهاده في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا. Ça nous montre أن ce bonheur, on est tous d'accord que la cause du bonheur, c'est le suivi du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Et bien sûr, adorer Allah Azza wa Jalla seul. Ce bonheur, pour l'acquérir, il faut faire des efforts. فَلِهَذَا قَالْ وَلَا سَعَادَةَ إِلَّا بِشْتِهَادِ. Pas de bonheur sans effort. Les efforts dans quoi? فِي مَعْرِفَةِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ. On doit faire des efforts pour connaître la voie du prophète Mohammed, qui est fondée sur At-Tawhid, qui est fondée sur son suivi, qui est fondée sur les bons comportements. Tu dois faire des efforts pour apprendre ces choses. والقيام بعمل et mettre en application. لأن العلم seul, ça ne suffit pas. ثم قال وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين. Et deux autres points, il a ajouté رحمه الله pour que ce bonheur il soit complet. أحدهما دعوة الخلق إليه. Une fois que tu as appris, tu as mis en application, tu montres à tes frères. الدعوة. والثاني صبر أو صبره وجهاده على تلك الدعوة. Tu as appris, tu as mis en application, tu as montré à tes frères, tu dois patienter. لماذا لأن si tu fais des efforts dans l'ilm et tu mets en application la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام et tu parles, tu montres, tu auras des ennemis. Tu seras accusé d'ignorant, tu seras accusé d'égaré, tu seras accusé d'extrémiste, tu seras accusé de beaucoup de choses. فاصبر وما صبرك إلا بالله. Patient pour Allah سبحانه. قال فانحصر الكمال الإنسان في هذه المراتب الأربعة. ثم il a conclu en résumant avec quatre points. أي le bonheur il se résume sous ces quatre points. أو avec ces quatre points. قال أحدها أو إحداها العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Fais des efforts في العلم. Et ta'ammal hadha al-qayd al-azim. Pas n'importe quel ilm. Ne perds pas ton temps avec des choses la tanfa'. Ba'dhum yatlubuna ba'd al-ulum, ils font des efforts dans des choses et ils détaillent et ils perdent du temps dans des choses. Il n'y a pas une grande faïda. La langue arabe, apprends la langue arabe, les bases. Tu sais parler, tu sais écrire, tu comprends le kalam. Alhamdoulilah, de la grammaire, des bases dans la grammaire, des bases dans le sort. Et après, occupe-toi avec autre chose, avec sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a si tu veux détailler dans la langue arabe, tu veux diversifier, tu veux rentrer via la langue arabe, c'est un océan. Ça va prendre toute ta vie. Comme certains, ils sont très très forts en langue arabe et yukhalifuna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam sabahan wa masa. Matin et soir, ils délaissent la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. La base, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le Coran. Les autres ulum, comme la langue arabe, comme l'usul, comme le mustalah, etc., c'est pour nous aider à comprendre cette base. Enfin, ne délaisse pas la base pour t'occuper par autre. Ce n'est pas la voie des salafs. Le fruit de hadha al-ilm, c'est l'amal. Donc, on apprend, c'est pour appliquer. Ce n'est pas pour se montrer, ce n'est pas pour passer du temps il a akhiré. Al-ilm, c'est pour l'amal. Al-Qur'an, hujjatun lak aw alayk. Al-Qur'an, imma, c'est pour toi, imma, c'est contre toi, ay, s'il n'est pas mis en application. Al-Thalitha, le troisième point, bathuhu. Al-bath, c'est nashru, le fait de le propager. Finnas, wa da'watuhum ilay. Limadha li anna les gens, ils ont un haqq. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité. Tu as appris, tu as mis en application. N'oublie pas les autres. N'oublie pas tes frères. Belle, même autre que tes frères. Même le kuffar, on doit leur montrer. Satan, quand ce kuffar, il écoute. On sent qu'il veut apprendre, il veut connaître. Enfin, on doit donner du temps. On doit donner du temps aux autres. Kama qala ba'du ahli al-ilm, anna zakat al-ilm, c'est nashru. Comme quand Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné de l'argent, il t'a donné des biens. Dans ces biens, dans cet argent, il y a un haqq pour les pauvres, etc. Ay az-zaka. Tu dois sortir un pourcentage. Pourquoi? Parce qu'Allah, il t'a donné ce bien et ce bien, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné de faire profiter les autres. Enfin, tu dois donner une part. Hakadha al-ilm. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné du ilm, n'oublie pas zakat hadha al-ilm. Tu montres aux autres. Et, huna, comme on a fait la remarque plusieurs fois, un al-insan, il dépasse pas les limites. Voilà. Tu connais certaines choses, propage ces choses et fais attention. Un shaitan, il essaie de nous égarer par une autre porte. Il nous pousse à faire da'wah et à parler dans des choses qu'on ne maîtrise pas. Et au lieu d'appeler au bien, on appelle au mal. Cette da'wah, elle est fondée sur quoi? Elle est fondée sur les deux premiers points. Al-ilm wal-amal. Al-ilm wal-amal. Et tu appelles à ce que tu as appris et ce que tu as mis en application. Thumma qala al-rabi'a. Quatrième et dernier point, sabru wa jihaduhu fi adaihi wa tanfidhi. Comme on a dit, si tu appliques les trois premiers points, la science, la mise en application, et tu appelles, tu fais ad-da'wa, tu seras éprouvé wa la bout. Ashaddu an-nas bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Vu que les prophètes et les messagers, alayhim as-salatu wassalam, c'est les personnes qui ont le plus accompli les trois points précédents, la science, la mise en application, et l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, c'était les personnes qui étaient le plus éprouvées. Et personne ne sera éprouvé comme eux. Ces quatre points, ils sont cités fi surat al-Asr, comme on a vu ensemble, wallillahi alhamd, précédemment dans l'explication de al-usul al-thalatha. Les quatre points que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a dit au début de la risala que chacun de nous il doit connaître quatre points. C'est ces quatre points. Al-ilm, والعمل والدعوة والصبر. قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. Tout le monde est perdant. Vous avez remarqué que Ibn al-Qayyim rahimahullah, on a les quatre points, il les a cités comme cause du bonheur. Dans sourate al-Asr, tout le monde est perdant. Donc ça montre que si tu fais ces quatre choses, tu ne seras pas perdant, donc tu seras heureux. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. Sauf ceux qui ont cru. Et la foi, elle est basée sur l'ilm. La foi, elle est basée sur la science. Et pour croire une chose, tu dois connaître cette chose. Donc, le premier point, l'iman ou l'ilm. Il a l'adhina amanu ou amilu salihat. Le deuxième point, l'amal. Et l'amal, dans le verset, il a été qoyida. Il a été spécifié par l'amal as-salih. Pas n'importe quelle œuvre. Et ta'amal bil ilm, le ilm que tu as appris du Coran et de la Sunna. Pas n'importe quelle action. Il a l'adhina amanu ou amilu salihat wa tawassu bil haqq. C'est la da'wah. On s'entraide dans l'appel à la vérité. Watawasu bis sabr. On patiente. Et dans le verset Fa'idatun jamila, elle n'a ces choses, ça a besoin d'entraide. Watawasu bis sabr. Watawasu bil haqq. Watawasu bis sabr. At-tawasi, c'est le fait de s'entraider. C'est comme at-ta'awun. On revient au début de la risala. قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Donc ce bonheur, il est fondé sur ces quatre points, et ces quatre points, tu dois t'entraider dans l'ilm, dans l'amal, dans la mise en application, t'entraider dans la da'wa, et t'entraider avec tes frères dans la patience. قال ابن القيم رحمه الله ومن تطلعت همته الى معرفة ما كان عليه الصحابة واراد اتباعهم فهذه طريقهم حقا طريقتهم حقا. Tu veux connaître, globalement, c'était quoi la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum? C'est la mise en application de ces quatre points: la science, les actes, la da'wa et la patience. ثم قال فإن شئت وصل القوم فسلك طريقهم فقد وضحت للسالكين عيانا. Thumma, il a cité ce vers de poésie, et pour encourager, la route elle est claire, le chemin il est wadih, on n'a plus qu'à faire des efforts. Al-ilm wal-ilham, c'est très simplifié à notre époque. Tu vas apprendre la langue arabe, tu vas apprendre tawhid, tu vas apprendre al-fiqh, wal-ilham, il y a beaucoup de moyens, on n'a plus qu'à mettre en application. Il faut qu'on fasse des efforts. Il faut qu'on s'entraide. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadlih wa naktafi bihada. Et on passe à notre deuxième dars, inshallah ta'ala.